Today, 8th of June, year 2017, so nearly 1 week, our yogi practicing Vipassana meditation, study about the reality of this mind and matter, how they are working in our life. We need to know, study on this side of reality, how can we purify our defilement. Nous sommes aujourd'hui le 8 juin 2017. Cela fait presque une semaine que nous pratiquons. Les yogis étudie depuis une semaine le fonctionnement du corps et de l'esprit, l'interaction entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. En d'autres termes, ils étudient la vie. Ils apprennent à se débarrasser des impuretés mentales, des pollutions mentales comme le désir, la colère, l'aversion, l'ignorance, l'orgueil, la jalousie, etc. Aujourd'hui, nous allons étudier un peu plus à fond l'esprit et le corps. Il est nécessaire, après une semaine de pratique, de comprendre de façon précise en quoi consiste la nature du corps et la nature de l'esprit. Il faut comprendre comment le corps et l'esprit fonctionnent, et il faudra le comprendre sur base d'une réalisation, d'une expérience directe à l'intérieur de soi. Pour ce qui est du corps, c'est facile, relativement facile de comprendre en quoi il consiste. Par contre, l'esprit, c'est beaucoup plus difficile. Tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux, célestes, ou les êtres inférieurs comme les démons ou les fantômes, tous les êtres vivants ont un corps et un esprit. Mais en quoi consiste réellement cet esprit ? Si on vous pose la question « Avez-vous un esprit ?», vous répondrez que oui. « Avez-vous vu cet esprit ?» Là, c'est beaucoup plus difficile. Nous allons essayer d'expliquer tout cela d'un point de vue théorique. Lorsqu'on parle de l'esprit, on veut dire la conscience. Esprit et conscience sont la même chose. Le Bouddha explique, donne une définition de l'esprit. En pali, esprit se dit citta. Citta, c'est ce qui connaît l'objet, ce qui expérimente l'objet. Un être qui n'aurait pas d'esprit est incapable d'expérimenter quoi que ce soit, incapable de connaître l'objet. Prenons par exemple un corps mort. Un corps mort, un cadavre, n'expérimente rien, il en est incapable. Et ceci est vrai non seulement pour les humains, mais également pour les animaux. Lorsqu'un animal meurt, il n'a plus d'esprit, et les humains le mangent. On mange le poulet, on mange le porc, on mange le bœuf, etc. Lorsqu'un humain meurt, ce sont les animaux qui vont le manger, car il n'a plus d'esprit. Le tigre sera très heureux de dévorer un cadavre humain. Un corps sans esprit est donc incapable d'expérimenter quoi que ce soit. Il ne sait rien, il ne connaît rien. Mais par contre, si le corps fonctionne en harmonie avec l'esprit, si ces deux, corps et esprit, sont en interrelation, la vie pourra se perpétuer. Si nous expérimentons, si nous connaissons l'objet, c'est grâce à l'esprit. Mais nous pouvons alors nous poser la question, où est cet esprit? Où réside-t-il? L'âme, c'est quelque chose de différent de l'esprit. L'esprit se dit citta en pali, et l'âme se dit atta jiva. Dans les temps anciens, avant l'arrivée du Bouddha, Dans l'hindouisme de l'époque, on croyait que l'esprit, c'était l'âme. Et cette âme résidait à l'intérieur du corps. Si vous pensez que l'esprit ou l'âme est à l'intérieur du corps, réside à l'intérieur du corps, vous n'êtes pas en accord avec les théories bouddhistes. Ce sont des théories hindouistes. Selon l'hindouisme, l'esprit est toujours à l'intérieur du corps. L'esprit ou l'âme, c'est Atta-Jiva. Cet Atta-Jiva se trouve donc à l'intérieur du corps. Dans l'hindouisme, on croit cela parce que on n'a jamais réussi à vraiment voir l'esprit, à le voir clairement. On pense donc que cet esprit, cette âme individuelle, existe réellement, qu'elle réside à l'intérieur du corps, qu'elle est créée par un dieu ou par un brahma, et qu'elle appartient au corps. Tout ce qui se passe dans le corps est ressenti par l'âme. C'est l'âme qui expérimente tous les contacts sensoriels. Lorsque le Bouddha a atteint l'illumination par la pratique de Vipassana, par son observation très attentive du corps et de l'esprit, il a compris que l'esprit, c'est ce qui expérimente l'objet, ce qui connaît l'objet. Mais où est cet esprit? Lorsqu'on voit quelque chose, l'esprit apparaît, parce que on expérimente cet objet, on le connaît. Lorsqu'on entend un son, on connaît le son. Lorsqu'on sent une odeur, on connaît cette odeur. Lorsqu'on expérimente un goût, on connaît cette saveur. Lorsqu'on a une sensation de toucher quelque part dans le corps, on l'expérimente. Et lorsqu'on pense, on expérimente également la pensée. L'esprit apparaît donc là où le contact a lieu. L'esprit est dans l'œil si on voit. Il est dans l'oreille si on entend. Il est dans le nez si on sent. Il est sur la langue si on goûte. Et il est sur le corps si on touche. Il y a chaque fois des esprits différents qui se manifestent. La conscience visuelle, la conscience auditive, la conscience olfactive, etc. Chaque organe sensoriel a un objet qui lui correspond, un objet spécifique. Et l'esprit est très rapide. Parfois, on pourrait croire qu'on entend et qu'on regarde en même temps. Mais en fait, c'est impossible. Ce sont deux esprits différents, deux consciences différentes. La première apparaît sur l'œil, l'autre apparaît sur l'oreille. Mais pour voir tout cela dans la méditation, il faut que la concentration et que l'attention aient atteint un très bon niveau. Vous travaillez depuis une semaine et tout doucement, ces deux facteurs commencent à devenir puissants en vous. Il faudra donc comprendre que ces consciences n'apparaissent pas ensemble, elles apparaissent séparément. L'œil est incapable d'entendre, l'oreille est incapable de voir. Chaque organe a donc un objet qui lui correspond. Et ce sont toutes des consciences différentes. Les consciences sont différentes, mais leur rôle est le même. Toutes ces consciences expérimentent l'objet. On connaît par l'œil, on connaît par l'oreille, on connaît par le nez, par la langue, par le corps et par l'esprit. Il n'y a jamais qu'une expérimentation, qu'une conscience, mais les objets sont chaque fois différents. Où donc est l'esprit? L'esprit réside, apparaît là où le contact a lieu. Il faudra comprendre tout ceci, non seulement en théorie, mais également en pratique. Nous allons pratiquer la méditation pour expérimenter tout cela. Le yogi, Vipassana, s'entraîne pendant toute la journée. Dès qu'il y a un contact par l'œil, il note voir. Lorsqu'il y a contact par l'oreille, il note entendre. Il note sentir, goûter, toucher, penser. Et chaque fois La conscience apparaît, l'expérimentation se manifeste. Si c'est parfois par l'œil, le yogi sait qu'il voit. Lorsque c'est un son, il connaît ce son. Lorsque c'est une odeur, il connaît l'odeur, etc. Lorsque la concentration sera devenue puissante, le yogi pourra expérimenter tout cela et comprendre tout cela directement à l'intérieur de lui. Parfois, il verra l'esprit qui somnole. C'est également une conscience qui expérimente quelque chose. Hier, il a été question de l'attention. Si vous avez une forte attention, vous verrez clairement les objets. Vous verrez clairement que l'objet, la conscience, apparaît dès qu'il y a contact avec un objet, quelle que soit la porte par laquelle le contact a lieu. Tout ceci, c'est donc l'enseignement du Bouddha. Nous allons donc étudier tout cela à l'intérieur de nous et réaliser par expérience directe en quoi cela consiste. Nous avons compris en quoi consiste l'esprit et où est l'esprit, où il apparaît. Voyons maintenant comment il apparaît, comment l'esprit apparaît-il. L'esprit doit toujours avoir un objet. S'il n'y a pas d'objet, il n'est pas possible qu'il y ait expérimentation. Il faut donc qu'il y ait un objet. L'esprit est donc synonyme de conscience. La conscience visuelle connaît l'objet visible. Mais pour connaître l'objet visible, il faut que d'autres causes soient également présentes. Il ne suffit pas qu'il y ait... La conscience n'apparaît pas simplement comme cela, il faut qu'il y ait des causes. Et il y a beaucoup de causes pour la conscience. La première, c'est d'avoir un organe sensoriel, une sensitivité de l'œil en bon état de fonctionnement. La deuxième, c'est que l'objet ne soit ni trop près, ni trop loin. La troisième, c'est qu'il y ait un contact réel entre l'objet et la base sensitive. La cause suivante, c'est la lumière. S'il n'y a pas de lumière, s'il fait noir, la conscience visuelle ne pourra pas se manifester. Et enfin, vient l'attention. Il faut qu'il y ait attention. Parfois, l'objet est là, mais comme il n'y a pas d'attention à cet objet, la conscience ne se manifeste pas. Il est possible aussi que parfois il y ait beaucoup d'objets autour de nous, mais comme nous ne prêtons pas attention, la conscience visuelle ne se manifeste pas. Toutes ces causes doivent donc être là pour que la conscience visuelle se manifeste. Ici, les yogis s'entraînent, ils développent leur concentration, leur attention, leur effort. Et lorsqu'il y a un contact à l'intérieur du corps, une sensation de toucher, ils en sont conscients. Ils observent par exemple les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Ils maintiennent leur esprit fixé sur ce mouvement pendant un certain temps. Ils expérimentent alors l'objet par la porte du corps. Mais il faut, pour qu'ils expérimentent cet objet par la porte du corps, il faut qu'il y ait mouvement. S'il n'y a pas mouvement, ils n'expérimenteront pas le mouvement. Il faut donc qu'il y ait un objet. Il faut également qu'il y ait contact, qu'il y ait attention pour que la conscience de cet objet se manifeste. Si l'une des causes est absente, la conscience ne va pas se manifester, ne va pas apparaître. Pour la vision, c'est la même chose. Il faut que les causes soient toutes réunies pour que la conscience visuelle apparaisse. Un aveugle, par exemple, ne dispose pas d'une base sensitive en bon état de fonctionnement, son œil ne fonctionne pas bien et donc il n'a aucune chance de voir les objets. La conscience visuelle ne peut pas se manifester chez lui. S'il n'y a pas de lumière, il est également impossible de voir apparaître la conscience visuelle. S'il n'y a pas contact entre la base sensitive et l'objet visible, il n'y aura pas conscience visuelle. Si l'attention n'est pas présente, il n'y aura pas non plus conscience visuelle. Donc, si toutes les causes sont présentes, la conscience peut se manifester, mais il n'y a jamais qu'une seule conscience par moment. Mais cette conscience apparaît pour disparaître instantanément. Elle ne dure pas. Si on pratique Vipassana, on réussira tôt ou tard à voir que la conscience ne dure pas, qu'elle disparaît instantanément après être apparue. Comprendre tout cela clairement par la méditation, c'est une connaissance Vipassana. Nous pensons en général que lorsqu'on voit quelque chose, que cette vision dure un certain temps, qu'elle est continue. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce sont chaque fois des nouvelles consciences visuelles qui apparaissent, mais elles se succèdent à très grande vitesse. Ceci est très facile à expérimenter avec le son. La conscience auditive apparaît et disparaît très rapidement également. Ici, vous entendez ma voix. Mais en réalité, il y a chaque fois entendre à chaque mot. Chaque conscience apparaît pour disparaître instantanément. Elle est immédiatement suivie d'une nouvelle conscience auditive qui, elle aussi, va disparaître instantanément, puis une troisième, et ainsi de suite. Si je me tais, il n'y a aucune conscience auditive qui se manifeste. Il y a donc chaque fois le son, le contact avec la base sensitive, puis plus rien. Nous entendons par à-coup. C'est comme la foudre. Lorsqu'il y a de l'orage, il est possible qu'il y ait des éclairs. Cet éclair n'existe qu'une fraction de seconde et puis disparaît. L'esprit également apparaît, dure une fraction de seconde et disparaît. Il ne dure pas, il ne se perpétue pas, il n'existe pas de façon continue à l'intérieur du corps. Il apparaît pour disparaître instantanément. Il n'y a que des apparitions et disparitions de conscience. Un yogi qui travaille bien, qui développe une forte concentration et une forte attention, verra clairement ses apparitions et disparitions. L'esprit, il verra que l'esprit apparaît pour disparaître instantanément. Il verra que rien n'existe à l'intérieur du corps. Il n'y a que des apparitions et disparitions de phénomènes. C'est ce que le Bouddha a découvert lui-même et qu'il nous enseigne. Il parle des trois caractéristiques des phénomènes, anatta, dukkha et anicca. Anatta, le non-soi, dukkha, l'insatisfaction, la souffrance et anicca, l'impermanence. L'impermanence, c'est précisément qu'il n'y a jamais à l'intérieur de nous que des apparitions et disparitions de phénomènes. Tout apparaît pour disparaître instantanément. Rien ne dure. Dans les temps anciens, avant l'arrivée du Bouddha, les gens ne comprenaient pas les causes et les effets. Ils ne les avaient pas réalisés à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils croyaient donc que l'esprit ou l'âme existait bel et bien dans le corps. Mais par la pratique de Vipassana, nous pouvons voir très clairement, comprendre en quoi consiste réellement le corps et l'esprit. Comprendre correctement le fonctionnement du corps et de l'esprit, c'est la sagesse. Elle va mener aux vues justes. Avant que la sagesse ne se manifeste, ce sont les vues fausses qui sont présentes. Les vues fausses, c'est essentiellement croire qu'il y a à l'intérieur de nous, dans le corps, un âme ou un esprit qui perdure, qui existe et qui reste là. Les vues justes, c'est précisément le contraire. Le méditant voit qu'il n'y a pas d'âme, pas d'entité permanente, il n'y a que des apparitions et disparitions de phénomènes. Lorsque le corps fonctionne en harmonie avec l'esprit, ces apparitions et disparitions ont lieu, et ceci, c'est tout simplement la vie. Mais lorsque le corps n'est pas en harmonie avec l'esprit, ou que le corps tombe malade, ces apparitions et disparitions n'ont plus lieu, et c'est la mort. Le corps et l'esprit fonctionnent donc ensemble, mais on y colle le concept du « je ». Le « je » n'est jamais qu'une étiquette, un concept. En réalité, il n'y a à l'intérieur de nous que des causes qui amènent des consciences. Ces choses apparaissent et disparaissent constamment. C'est comme un flux, un courant, le courant d'une rivière. Si nous regardons le courant de la rivière, nous pourrons voir que cette eau coule sans arrêt. L'eau coule toujours sans arrêt, mais en réalité, ce n'est jamais la même eau qui passe. C'est toujours une nouvelle eau. Notre esprit également est en état de flux. Ce n'est pas quelque chose de solide qui perdure, c'est quelque chose qui coule sans arrêt, qui apparaît et disparaît constamment. Mais nous pensons que ces choses durent, qu'elles existent réellement, qu'elles sont permanentes. C'est le jeu. On peut également prendre l'exemple d'une bougie. On pourrait croire à première vue que la lumière est toujours là. Mais en réalité, il y a les causes pour la lumière. Les causes, c'est la mèche et c'est l'huile. La mèche qui brûle tant qu'il y a de l'huile. Et ceci provoque l'apparition de la lumière. C'est la même chose pour le corps et pour l'esprit. Ils brûlent sans arrêt. Il ne s'agit jamais que d'une suite extrêmement rapide de moments de lumière ou de moments de conscience. Toutes les pollutions mentales s'enracinent dans cette croyance erronée en l'existence réelle d'un jeu. Mais si par la pratique de Vipassana, nous comprenons vraiment Anatta, ces pollutions mentales vont progressivement s'estomper. L'esprit va devenir de plus en plus clair, et nous pourrons même un jour atteindre l'illumination. Lorsque nous aurons atteint l'illumination, nous nous serons débarrassés de toute forme d'impureté mentale. Nous aurons atteint Magga et Phala, le chemin et le fruit, nous serons devenus des personnes nobles. C'est cela le but de Vipassana. Purifier progressivement son esprit par l'observation objective et précise du corps et de l'esprit. So try your best to clear off all our defilement step by step, step by step. Sadhu, sadhu, sadhu.